Les nuits de France Culture. Une mémoire radiophonique. En rendant, au fil des années, sa voix et son visage barbu de conteur Cévenol si familiers au public, la radio et la télévision auraient presque pu nous faire oublier que Jean-Pierre Chabrol était avant tout un écrivain. Un écrivain populaire, auteur de plus d'une vingtaine de romans et d'une dizaine de recueils de nouvelles, qui sut dire, comme personne, l'histoire de son pays natal, sans pour autant que son territoire d'écrivain ne s'en trouve confiné dans des frontières régionales. Proche de Pierre Macorlan, ami des chanteurs-poètes, de Georges Brassens en particulier, Jean-Pierre Chabrol était en 1972 l'invité de l'émission « Les mots-clés » où il était convié à dire ce que lui inspiraient les mots que lui soumettait Pierre Lost. Il le faisait d'ailleurs de la manière la plus libre qui soit, au risque de tenir ici et là des propos un peu discutables ou aujourd'hui parfaitement politiquement incorrects, voire hier comme à présent regrettables. Notamment quelques considérations très radicales et bien peu amicales sur un pays et un peuple très éloignés des Cévennes et des Cévenols, et à coup sûr de Jean-Pierre Chabrol, le Japon et les Japonais. Les mots-clés avec Jean-Pierre Chabrol, une émission diffusée la première fois le 2 novembre 1972 sur France Culture. Jean-Pierre Chabrol, je vais vous proposer un certain nombre de noms, un certain nombre de mots, et je vais vous demander ce que chacun évoque pour vous. Vous y répondez en une phrase, en un mot, en 2 minutes, 3 minutes, le temps que vous voulez. Vous êtes d'accord ? D'accord. L'amitié. Oh là là. Vous tombez tout de suite sur le mot essentiel. Les amis. À l'époque où j'en suis, moi, surtout cette année, je crois finalement qu'il ne reste plus que ça comme vraie valeur. Les amis. Et puis les amis inconditionnels. Des amis qui ne vous jugent pas. Ce qu'il y a de formidable chez un véritable ami, c'est qu'il ne vous juge pas. Alors que tout le monde passe sa vie à vous juger, à juger vos gestes, vos actes, vos paroles, à écouter ce qu'on dit de vous. Un véritable ami vous aime. Et moi, lorsque vous dites ami, moi je pense à Brassens. Je sais que dernièrement, quelqu'un est allé lui dire du mal de moi, et essayer de le détourner de moi. Il a répondu... Jean-Pierre, il est comme ce qu'il est. Je l'aime comme il est. L'amitié, c'est peut-être la seule chose au monde qui me ferait croire en Dieu. Quoi. À l'aise. À l'aise. Ah, ça, c'est la petite ville crasseuse qui était merveilleusement crasseuse, bruyante, brouillonne, bouillonnante, populaire, qui sentait l'oignon frit et la vieille guitare bon marché, qui était bourré de merveilleux Français, qui étaient espagnols, tchèques, arméniens, polonais, arabes, qui étaient mineurs, des paysans qui descendaient vendre leur fromage, etc. Et puis est arrivé un gars, un édile municipal, qui se prend, je ne sais pas pour qui a rasé ça, qui a rasé les vieux quartiers, qui a démoli à l'Est, qui a construit des espèces de monuments en forme de bidets. À l'aise ressemble à une salle de bain sur la plus merveilleuse petite place qu'il y avait, où il y a la statue de Stèle et de Némorin. On a construit comme monument une station-service. Et le mon petit lycée est devenu maintenant une espèce d'Alcatraz scolaire. On a regroupé tous les groupes scolaires. Alès est devenue une ville terriblement propre, terriblement ennuyeuse, terriblement laide. Alors il reste encore... Enfin, tout ça va pas durer, ça va... Vous savez, les immeubles modernes se démolissent très vite. Les lézardes commencent avant que l'immeuble soit terminé. Les procès commencent avant que les locataires arrivent. Et finalement, j'attends avec impatience qu'Alès devienne une ruine. L'angoisse. Moi, je suis très angoissé. Je suis constamment angoissé. Je viens de sortir un bouquin. Je me demande, est-ce qu'il va marcher? Est-ce qu'il va pas marcher? Bon, je suis en train de faire une émission de radio. Je me dis, je suis angoissé parce que je me dis, surtout fais pas le Jacques. N'essaye pas de jouer un rôle. Dis les choses comme tu les penses. Et je suis un anxieux, exactement. Un anxieux. L'angoisse, c'est pour moi, c'est une forme physique de l'anxiété. Vous savez, hein, le vieux cliché, ça vous noue la gorge. Moi, réellement, ça me noue la gorge, l'angoisse. Vous avez vu tout à l'heure, on était à table, il y a un être cher qui a eu un malaise, et vraiment, j'ai eu la gorge nouée, l'angoisse. Vous aussi, vous étiez angoissé, on s'est dit, il faut appeler le médecin, il faut quoi faire, etc. L'angoisse, c'est un peu... Et puis tout d'un coup, les couleurs sont revenues, le malaise était terminé, la conversation a repris. L'angoisse s'est merveilleuse au passé. Quoi. C'est quand, une fois que l'angoisse se termine, c'est délicieux. On trouve qu'il fait soleil, que la vie est belle, c'est beau. Quoi. Le canon. Alors, ben, le canon, mais quand vous me dites le canon, maintenant, c'est le canon Fraternité. C'est mon livre qui vient de sortir. Et comme c'est le titre, et le canon Fraternité, c'est un peu long. Quand on en parle avec mes amis ou avec vous, on dit le canon. Et le canon, c'est... C'est d'abord ce livre, évidemment, et puis c'est un peu ce que j'ai écrit dans le livre, cette espèce d'être fabuleux, de monstre créé par l'homme. C'est un dragon, le canon, qui crache la mitraille, qui crache... Et ce qui m'intéressait, moi, dans mon histoire de canon, c'est que, pour une fois, ce monstre était au service de ceux contre lesquels, d'habitude, il tirait, c'est-à-dire le peuple. L'arbre. Grand l'arbre, alors là. J'ai envie de vous dire, en faisant une émission sur l'arbre, parce que pour moi, l'arbre est un symbole, est un être vivant, essentiel dans ma vie. Je repense au mot amitié, comme vous dites, arbre. Dans tous les grands moments de ma vie, il y a eu un arbre. Je suis né dans la mairie de Chambrigo, devant laquelle il y avait l'arbre de la liberté, qu'on avait planté en 1848. Et il y avait des gens qui passaient, encore dans mon enfance, qui se découvraient en passant devant l'arbre de la liberté. Il y avait un vieux, le père Tessier, qui avait 80 ans, qui pouvait à peine marcher, mais tous les jours, au début de l'après-midi, il venait avec sa canne devant cet arbre et il l'embrassait en disant « Ah, ma liberté !» avec des sanglots. Et puis derrière, il y avait un châtaignier, un arbre creux. Vous savez, les châtaigniers sont là-bas des arbres séculaires et qui ont cette particularité, ils se creusent. Et ils continuent à vivre, ils ont des feuillages impressionnants, et pourtant on dirait qu'ils n'ont plus que l'écorce. Il y avait une fente pour rentrer, et c'était ma maison d'enfant. Je rentrais mes jouets là-dedans, je me cachais là-dedans, et je crois que c'était ma seule véritable maison. Une maison où je pouvais seul entrer, où les enfants pouvaient entrer. Et le jour de ma naissance, mon père a planté un cerisier. Il a planté un cerisier le jour de ma naissance, et il surveillait particulièrement la croissance de ce cerisier. Je le soupçonne fort, quand j'étais malade ou que j'avais la fièvre, d'aller arroser le cerisier, d'aller soigner son cerisier. Et puis, enfin, il y avait un figuier aussi qui avait une importance considérable. Et lorsque je faisais mes premiers pas avec ma grand-mère sur le chemin vicinal, il y avait ce figuier, un été, qui laissait pendre ses figues au-dessus du chemin. Des figues mûres, qui pendulavent, comme on dit en patois, qui pendaient comme des grosses larmes succulentes. Et personne ne touchait à ces figues. Mais ma grand-mère me disait, c'est les figues du Pélé. Le Pélé, c'était le mendiant du village, et ces figues qui pendaient au-dessus du chemin étaient réservées aux mendiants. Et personne du village n'y touchait, c'était le mendiant qui y touchait. Et vraiment, je sais pas, j'ai besoin des arbres. En plus de ça, l'arbre, moi j'ai l'admiration devant l'arbre. Parce que, à l'époque où nous vivons, c'est le seul élément, c'est le seul être vivant qui n'obéit pas à l'argent. Vous pouvez être milliardaire, vous pouvez être Rothschild de Boussac, vous pouvez être Ford, vous pouvez être qui vous voulez, Pompidou, De Gaulle, je sais pas, Khrouchtchev, n'importe qui. Vous pouvez vous payer un château, vous pouvez vous payer une propriété fantastique, vous faire creuser une piscine, vous faire amener un canal. Mais si vous voulez des chênes centenaires, vous attendez 100 ans. Vous déplacez et vous allez où sont les chênes centenaires. Mais vous pouvez aller au pied d'un chêne centenaire et déposer un tas d'or de dollars, tout ce que vous voulez, il ne se déplace pas, le chêne centenaire. Vous attendez 100 ans ou c'est vous qui vous déplacez. L'arbre est un être merveilleux. Louise Michel. Ah, quel personnage. Quel personnage. Je comprends Victor Hugo. Je crois que Victor Hugo était un peu amoureux d'elle. Mais c'était un personnage fabuleux, Louise Michel. Cette institutrice qui se promenait le fusil à l'épaule, qui allait dans les clubs de la commune, qui a été de toutes les barricades, qui s'est battue, et quand même, lorsque la commune a été écrasée après la semaine sanglante, elle a dit à ses juges qu'ils étaient de petits esprits. Devant le tribunal militaire, devant tous ces types arrogants, leur a dit, vous voulez ma tête, prenez-la. Si vous n'êtes pas des lâches, tuez-moi. Elle est allée jusqu'au bout, enfin. Je crois que c'est un flambeau, quoi. L'humour. Yeah, là, quand vous dites humour, je pense pas à Corland. Hein. Parce que l'humour, c'est quand même ce qu'il y a à vivre. Je crois que c'est une des choses qui nous sépare de la bête. Ils sont rares, les bêtes qui ont de l'humour. Et moi, j'ai beaucoup appris de l'humour dans la fréquentation de Macorlan. L'humour, vous savez, c'est ce qui empêche, c'est ce qui sauve la dignité au moment où on va s'attendrir, au moment où on va un peu s'aplatir, etc. Finalement, c'est un médicament, l'humour. C'est une façon de supporter la vie et de se tenir. Finalement, les gens qui se suicident, c'est parce qu'il manque un peu d'humour. Jules Vallès. Alors Jules Vallès, moi je viens de beaucoup travailler sur la commune, c'est un personnage qui est un peu tombé dans mon estime. Je trouve qu'il prend un peu trop sa distance, ses distances. Vous comprenez, lorsqu'il est dans L'Insurgé ou dans ses différents textes, je ne parle pas du Vallès journaliste. Vallès qui écrivait dans Le Cri du Peuple, écrivait à chaud. Il arrivait de la manifestation de l'hôtel de ville pour la proclamation de la commune où il arrivait le 18 mars, etc. Il écrivait son article à chaud, c'est extraordinaire. C'est beau, il ne faisait attention à rien, il écrivait ce qu'il avait ressenti. C'est un grand journaliste. Mais après, lorsqu'il reprenait ses articles, qu'il les refaçonnait pour écrire ses bouquins, il y avait chez lui un souci de prendre ses distances qui me déplaît. Moi, j'aime pas les gens qui prennent leurs distances, ni vis-à-vis d'autrui, ni vis-à-vis de l'histoire. Surtout lorsque prendre ses distances, c'est une façon de ménager la chèvre et le chou et de sauvegarder sa petite sécurité. C'est peut-être pour ça, d'ailleurs, que Vallès est très connu à l'époque actuelle. C'est que, finalement, ses écrits n'ont pas été jugés tellement dangereux et qu'ils ont une assez bonne diffusion. On en a parlé. Alors que des gens comme Flourens, des gens comme Alman, qui ont écrit des livres plus violents, plus vrais, plus sincères, sont complètement ignorés. La moto. Ah, la moto, c'est ma passion. Vous savez, d'abord, je suis le roi dans Paris, moi, vous comprenez, avec la moto, toujours premier au feu rouge, plus de problèmes de stationnement, plus de problèmes d'embouteillage, on passe partout. Et puis, il y a quand même un côté physique. Une voiture, c'est quelque chose dans laquelle on rentre, qui vous absorbe, qui vous digère. La moto, on la chevauche. On la maîtrise, on fait l'amour avec une moto. Elle vous frémit entre les cuisses. La façon qu'a une moto, quand vous accélérez, de se relever en avant comme un cheval qui se cabre pour partir au galop. La soupe. Oh, la soupe, c'est une institution. On devrait faire un monument à la soupe en France. Pour moi, c'est très important. Et je dois dire que ça devient de plus en plus rare. La bonne soupe, c'est un peu comme la baleine blanche. C'est Moby Dick. Maintenant, les femmes savent plus faire de soupe. Ma mère sait encore faire des soupes. Et encore, elle ne sait faire de la bonne soupe que depuis que ma grand-mère est morte. Quand ma grand-mère vivait, ma grand-mère faisait la très bonne soupe et ma mère, sa soupe n'était pas bonne. Et puis il y a une chose mystérieuse qui passe de l'une à l'autre, de femme en femme dans la famille, qui fait que la survivante, tout d'un coup, hérite du génie de faire la bonne soupe. Belleville. À Belleville, pour moi, c'est un quartier que j'ai toujours aimé, que j'ai beaucoup fréquenté, et où j'ai situé l'action essentielle de mon canon fraternité. Non pas par hasard, mais parce que les Bellevillois, c'était les bataillons de choc de la commune. Belleville, c'est un quartier où s'étaient rassemblés tous les ouvriers qui avaient été chassés du centre de Paris par les démolitions du baron Haussmann, qui se retrouvaient là-haut, qui vivaient cette vie de quartier qu'on ne connaît plus à Paris. Les gens ne se connaissent plus, mais à ce moment-là, on se connaissait, on allait dans la rue, on parlait. Avec tout ce peuple, des carriers des Amériques, des mécaniciens de la Villette, des serruriers, des forgerons, des menuisiers, tous les petits artisans de la chaussure, etc., qui étaient là, qui vivaient. Et qui vivaient cette vie. Et en plus de ça, Belleville, c'était la hauteur. Et si vous allez vous promener dans Belleville, il y a encore le petit peuple, parce qu'il va partir, le petit peuple de Belleville. Étant donné que c'est des appartements grand standing, vous savez, un peu de marbre dans l'entrée, un peu de tapis rouge dans l'escalier, une glace sur l'ascenseur et vous payez trois fois le prix. Vous voyez, et dessous, en sous-sol, de quoi mettre votre voiture. Or, ces ouvriers-là ne peuvent pas se payer ces appartements, donc ils vont partir. Où ils vont partir, on ne sait pas, on les chasse périodiquement, les ouvriers. Bon. Ils se trouveront un autre nid puné, où ils continueront à rire, à chanter, à faire des révolutions. Mais encore, elle y est, cette population de Belleville. Et là, vous voyez des gars qui ont des gueules. Vous comprenez? Vous voyez ce que je veux dire, une gueule? C'est-à-dire un type qui ressemble pas à un autre. Si vous allez dans les quartiers chics, dans le 16e ou ailleurs, il n'y a pas de gueule. Les types, ils ont de tellement bons coiffeurs, de tellement bons masseurs, de tellement bons tailleurs, etc., qu'ils arrivent à ressembler à tous les PDG du monde. Toutes les filles ont l'air d'être habillées par Air France et d'être rédactrices à l'Express. Tandis qu'à Belleville, non, pas du tout. Vous voyez, ils ont des gueules marquées par la vie. Le Japon. Ah, le Japon. C'est le seul pays du monde où je ne retournerai pas. C'est le seul pays du monde où je me suis senti étranger. Vous voyez, où je me suis vraiment senti à l'étranger. Il faut dire que moi, je ne suis pas allé dans le Japon d'une façon classique, c'est-à-dire ou en touriste ou en journaliste. Parce qu'à ce moment-là, vous arrivez au Japon. Vous avez de l'argent, vous avez des hôtels, vous avez de vous passer dans des circuits où c'est merveilleux, geisha, cerisier en fleurs, pommier blanc, etc., le Japon traditionnel. Moi, je suis arrivé au Japon pour gagner ma vie. Alors là, j'ai connu un Japon terrible, effroyable, et je me sentais pas bien du tout. Le Japon me fait peur. C'est le seul endroit du monde où je me suis dit, heureusement que nous avons eu affaire aux Allemands et à la Gestapo, parce que c'est quand même des... Ça devait être terrible, les Japonais. Et les types qui sortaient de... J'ai rencontré là-bas des gens qui avaient vécu la guerre et qui avaient eu affaire à la Gestapo japonaise. C'est vrai que c'était encore pire. Et puis, ce peuple me fait peur. Enfin, moi, je sais pas. Je suis revenu du Japon. J'ai d'ailleurs écrit ce que j'en pensais. J'ai écrit un bouquin qui n'était pas tendre pour les Japonais. Et je me suis dit, je vais me fâcher avec les Japonais, ça va être fini. Puis j'étais invité à l'ambassade japonaise. Finalement, ils admettent très bien que c'était pas calomnieux ce que je disais, c'était vrai. Puis c'était pas vraiment un bouquin sur le Japon, c'était un bouquin sur moi au Japon. Et puis, qu'est-ce qu'on dit ? Le Japon, c'est quand même un pays où le mot liberté n'existait pas avant 1876. Et où c'est un Japonais qui a eu à traduire « On Liberté » de Stuart Mill, qui a inventé le mot « liberté ». La liberté, c'est une chose gênante au Japon. Les Japonais veulent qu'on leur dise ce qu'ils ont à faire demain ou tout à l'heure et comment le faire. Et... Enfin. Mais il paraît que les Français qui retournent là-bas sont très emballés. Tant mieux. Ça prouve qu'ils avaient une bonne agence de voyage. La femme. Ah, la femme. Moi, j'aime beaucoup la femme et les femmes. C'est uniquement par piété, par esprit religieux. Comprenez, Dieu nous a donné la femme. On va pas mépriser un tel don. Ce serait pas gentil pour lui. Il faut. Mais j'aime bien la femme féminine, la femme qui est femme. C'est comme les petits chiens. Moi, j'aime bien les petits chiens qui sont sur leurs quatre pattes. Mais le chien à qui on donne un morceau de sucre pour qu'il se tienne sur ses deux pattes de derrière, c'est un horreur. Alors moi j'aime bien la femme avec ses froufrous, avec ses cuisses, ses mollets, etc., qui ressemble à une femme, qui a ses cheveux, qui a tout. Que vous la voyez de dos ou de face ou de profil, vous dites c'est une femme. Mais j'ai horreur d'aborder une femme et puis elle se retourne, elle a une paire de moustaches, c'est un garçon qui a des cheveux longs et qui porte une robe. Tout d'un coup, ça me donne envie de vomir. C'est une escroquerie au sexe, c'est dégueulasse. Les nourritures terrestres. C'est drôle, j'en parlais hier, des nourritures terrestres. C'est un bouquin que j'ai lu lorsque j'étais en Cagne, moi, les nourritures terrestres, dont je n'ai gardé strictement aucun souvenir. Mais aucun souvenir. Et hier soir, pas plus tôt qu'hier soir, j'étais avec deux jeunes filles, dont l'une essayait de me convaincre de relire les nourritures terrestres, et l'autre essayait de me convaincre de relire, ainsi par là, Zarathoustra. Alors, je les ai mis tous les deux au chevet de mon lit, je vais les relire demain ou après-demain. L'argent. L'argent. J'ai écrit quelque part, et je ne dis pas, pour mépriser l'argent, il faut être riche ou con. Hein? Finalement, ceux qui gueulent contre l'argent, c'est les riches. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je ne me reconnais pas le droit de mépriser l'argent quand je pense qu'il y a des ouvriers qui font des grèves très difficiles ou même qui se font tuer pour 20 francs d'augmentation de l'heure. 20 francs anciens. Alors quoi? On va aller expliquer à ces gens que l'argent est méprisable. Je vous dis, ceux qui méprisent l'argent, c'est ceux qui en ont, pour lesquels l'argent, c'est pas un problème. L'argent, c'est ce qui permet de tout avoir. Quand tout le monde aura assez d'argent pour vivre, on pourra dire sur l'argent que c'est méprisable, etc. Mais ceux qui clament partout que l'argent, c'est méprisable, c'est... D'abord, s'ils le clament partout, c'est qu'ils ont de quoi le clamer, c'est-à-dire des journaux, des ondes, des trucs. C'est déjà des puissants, déjà des gens qui ont de l'argent. Mais l'argent, c'est... L'argent, vous comprenez, je suis passé par là, moi, je sais ce que c'est. L'argent, c'est... Comment finir le mois, comment acheter une boîte de petits pois, et récupérer les pots de yaourt, autant les pots de yaourt étaient en verre, récupérer tous les pots de yaourt pour pouvoir les revendre avec la consigne et acheter deux pots de yaourt pleins avec 20 pots de yaourt vides. C'est ça l'argent. Hein. Et moins on en a, plus il compte. Et plus on en a, moins il compte. Victor Hugo. Bon, Victor Hugo. Quel salaud ce Gide. Vous comprenez, c'est quand même dégueulasse de démolir Victor Hugo avec une boutade que vous connaissez bien. Quel est le plus grand... Quel est le plus grand poète, Victor Hugo, hélas. Voilà. Quel est le plus grand poète du 19e siècle, Victor Hugo. Alors, nous avons affaire à des étudiants ou à des jeunes intellectuels qui sont des feignants. Oui. Et alors, comme il est moins fatigant de mépriser Victor Hugo que de le lire... Il y a eu une espèce de mode comme ça qui disait Victor Hugo, qu'est-ce que c'est, rien du tout. Ben moi, quitte à passer pour vieux jeu, je vous dirais que je relis tous les deux ou trois ans entièrement Les Misérables. Et que chaque fois, j'y découvre des choses que je n'avais pas vues et qui sont très belles. Et par exemple, je prends un tout petit exemple dans cette masse que sont Les Misérables. Vers le milieu des Misérables, vous avez 100 pages sur l'argot. Alors, je me tiens très au courant, vous savez que j'ai une grande curiosité des langues populaires. Je me tiens très au courant des travaux qui sont faits sur l'argot, des études qui sont faites, etc. Et bien, l'étude, les 100 pages de Victor Hugo sur l'argot sont ce qu'il y a de plus moderne, et de plus vrai, et de plus juste, c'est extraordinaire. Et en plus de ça, qu'est-ce que vous voulez? C'est quand même un grand honnête homme. Le soleil. Oh, toi, sans qui les choses ne seraient que ce qu'elles sont. Ah oui, ça dit tout, non? La trompette. La trompette. Moi, j'ai essayé de jouer de la trompette. C'est curieux, parce que ça, c'était un... Moi, j'ai pas d'éducation musicale. Je suis, au point de vue musical, au niveau de la midinette. Vous savez, je suis un... petit peu comme Macorlan. Moi, l'accordéon, pour moi, c'est, ça me bouleverse. Perle de cristal, ça me met dans tous mes états. Oui. Et je le regrette parce que, qu'est-ce que vous voulez, je vois des gens qui écoutent du Vivaldi ou qui écoutent du Mozart, ou du Mozart encore, je comprends un petit peu, mais qui écoutent du Bach et qui sont là en extase. Je me dis, les salauds, ils goûtent ça et toi, tu le goûtes pas. C'est dégoûtant. Et j'ai absolument aucune éducation musicale. Et vous savez, c'est un peu par patriotisme que j'ai pas d'éducation musicale, moi. Parce que, sous l'occupation, j'étais au lycée Louis-le-Grand, et je m'étais inscrit aux Jeunesses Musicales de France, pour avoir des invitations gratuites aux grands concerts. Et j'en ai eu, et je suis allé au concert qui était donné au Théâtre des Champs-Élysées, par Herbert von Karajan, et sous l'occupation. Et je suis arrivé dans cette salle, il y avait plein d'officiers allemands, de type de la Gestapo, etc. Et Karajan dirigeait dans tout ça. Je suis plus jamais retourné. J'ai dit, la musique, tant pis pour la musique. Tu vas pas faire ton éducation musicale au des uniformes allemands. Et la trompette, alors, c'est un vieux rêve. Mais lorsque je dis rêve, c'est au sens précis. Moi, j'ai toujours beaucoup aimé la trompette, Armstrong, Maurice André, etc. Et je rêvais, et je fais encore ce rêve. Et le rêve suivant, j'arrive chez des amis, comme je serais arrivé chez vous, là, et on boit, on mange, on prend le café, et sur le piano, il y a une trompette d'harmonie qui est posée. Et je prends cette trompette, je la porte à mes lèvres, et je joue. Et ce rêve m'a obsédé à tel point que j'ai acheté une trompette d'harmonie. Je l'ai portée à mes lèvres, mais vraiment l'espoir fou, me dire, mais peut-être tu es doué pour ça, hein. Évidemment, j'ai tiré d'abord aucun son, et puis quelques canards épouvantables, puis je me suis obstiné à monter la gamme, à la descendre, à jouer au clair de la lune, etc. Et puis je me suis rendu compte que j'avais vraiment pas le génie de la trompette, ni même une oreille très musicale. Le tiercé. Je sais même pas comment on pratique, moi, le tiercé. Je sais pas comment on fait. Tout ce que je vois, c'est les queues le dimanche matin. Si vous allez prendre l'apéritif dans un bistrot de banlieue, ou que vous allez acheter un paquet de tabac au bureau de tabac du coin, vous voyez ces queues. Et ce qui me frappe, c'est la tête des gens qui sont là, qui sont des gens pauvres, et qui discutent gravement de la cravache de monsieur machin, du poids de tel cheval, de ses performances, c'était avec une espèce de gravité. Et je me dis vraiment, moi, si j'étais roi de France, vous comprenez, j'inventerais le tiercé pour éviter la révolution. Je pense que si Louis XVI, il regardait sa tête, s'il avait inventé le tiercé au lieu de s'adonner à la serrurerie, parce que la serrure, ça va pas loin. Tandis que le tiercé, ça va assez loin. C'est vraiment la tranquillité du monarque. Le berger. Ouais, c'est les derniers sages. Et moi, dans mon pays, dans les Cévennes, je les vois, les bergers. Et les bergers sont des gens qui montent sur le mont Lozère le 15 juin et qui en descendent le 15 septembre. Qui vivent là-haut avec leurs bêtes, qui ont l'habitude, qui connaissent les vents, qui connaissent les pluies, qui connaissent les maladies du bétail, qui connaissent les traces du gibier, qui ont une espèce de science. Et en plus, ce sont des gens qui, étant donné qu'ils vivent quand même très seuls, ont l'habitude de penser. Lorsqu'on rencontre un berger, on a l'impression de parler avec un homme et non pas avec un téléspectateur ou un automobiliste. Ça change tout, vous savez. Et puis, ils n'ont pas ces espèces de pudeur ridicule qu'on a maintenant dans les milieux un peu évolués. Ils vous parlent des choses importantes, du péché, de la responsabilité, de la mort, mais sans avoir le petit sourire en coin qui casse toute sentimentalité et toute pensée. Et en plus, ils vous en disent des choses que seuls peuvent vous dire, qui sont le fruit de leur réflexion. 1515. Marignan. 1870. Il y en a, il s'en est passé des choses alors en 1870. Là, précisez-moi la date. Précisez-moi le jour. 1870, c'est la chute de Napoléon III, c'est Sedan, c'est la guerre. La première guerre avec les Prussiens, la première grande guerre. Celle qui a été si mal faite qu'on a été obligé de la refaire en 1914, qui a été si mal faite qu'on a été obligé de la refaire en 1939. Quand c'est qu'on la refait la prochaine fois? Maintenant, les Allemands, c'est des ennemis agréables, on a l'habitude, on a nos coutumes avec eux, tantôt ils sont nos prisonniers, tantôt on est les leurs. C'est truc. Et alors, on parle beaucoup d'amitié avec les Allemands, c'est un choix généralement. Chaque fois qu'on parle d'amitié, c'est qu'on éprouve le besoin d'en parler. Oui. Mais moi, je ne suis pas anti-Allemand, j'adore les Allemands. Et c'est vrai, je me sens très bien en Allemagne. Mes livres se vendent très bien en Allemagne. Ils me comprennent très bien, les Allemands. La drogue. Ouais, ça, moi, c'est un truc que je ne peux pas souffrir. Ça m'irrite. Vous savez, c'est pas ni pour des motifs moraux, ni. Moi, je fais des choses qui sont complètement amorales, mais qui ne nuisent pas ni à mon corps, ni au corps de mes partenaires, si vous voulez. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai le très grand respect pour le corps humain et encore plus pour le cerveau humain. En plus de ça, j'ai pas besoin d'excitant. Moi, je rêverais plutôt trop naturellement, et je serais plutôt trop excité naturellement. Et je trouve ça lamentable d'avoir un caractère si faible qu'on est obligé de se rabattre sur la chimie. Vous voyez? Je trouve ça lamentable. Et finalement, les types qui se droguent, c'est qu'ils n'ont pas de vrais amis. Et puis enfin, quand on pense un petit peu, quand on fait des métiers comme les nôtres, Pierre Lost, notre outil de travail, c'est ça, c'est ce qu'il y a dans la boîte crânienne. Attention, c'est notre atelier, c'est notre usine, il faut que ça tourne rond. Hein. Le grand danger, c'est de devenir dingue. Or là, la drogue vous ruine ça, c'est-à-dire ce qu'il y a de plus précieux. La gloire. Ah. Je connais pas, moi. La gloire. Et c'est la gloire. C'est les gens qui vous arrêtent dans la rue pour vous demander l'autographe ou c'est quoi? Je sais, la gloire, c'est il faut être général pour connaître la gloire. Et si possible, un général vaincu. Alors là, on passe à la postérité. Jules Ferry. Ah, c'est un des Jules. C'est le gouvernement des Jules. Jules Favre, Jules Ferry, Jules Simon. Jules Grévy. Jules Grévy, etc. Oui, Jules Ferry, c'est un... Un de ces types avec lesquels j'ai réglé un compte dans mon canon fraternité était ce gouvernement de la défense nationale présidé par le général Trochu, dont Victor Hugo a dit une fois pour toutes « Trochu, participe passé du verbe trochoir ». Zanzibar. Mais je sais pas pourquoi, moi, dès qu'on me dit ce mot, enfin c'est la première fois qu'on me le dit comme ça, qu'on me le lance dans les trous de nez, je vois un gros morceau de réglisse long... plat, et entraîné dans les poches, vous voyez, avec un petit peu de poussière enfantine, et qui fonce, prenant la langue toute noire comme un perroquet. Le rire. Oh là là, c'est marrant parce que quand vous dites le rire, cette merveilleuse langue française, je ris, on ne peut pas dire rire sans rire, c'est à la fois un mot merveilleux, une chose merveilleuse, quoi. Ça soulage. Oui, que c'est bon de rire. Le cheval. Alors, c'est comme la moto, quoi. C'est quelque chose qu'on enjambe. Le cheval, la moto, la femme. Et moi, j'ai fait du cheval, j'ai commencé à faire du cheval à 8 ans. On m'a foutu sur un cheval avec les mains attachées derrière le dos, un cheval sans selle, débrouille-toi. Et depuis, pratiquement, j'ai jamais cessé de faire du cheval. Et j'aime le cheval. J'aime la complicité entre le cheval et l'homme. J'aime la liberté que donne le point de vue cavalier. Quand vous passez comme ça, vous voyez par-dessus les murettes des jardins. Vous voyez l'humanité d'une autre façon. La poésie. Bon, la poésie, c'est un besoin vital de l'homme. Vous comprenez, la poésie, c'est pas... Comment dirais-je, on a les gens ont une espèce de timidité vis-à-vis de la poésie, qui se traduit par le fait que poète est devenu une espèce de terme péjoratif. On dit poète, hein, ça veut dire un peu couillon, un peu. Et alors que le type même qui emploie le mot de poète dans ce sens-là fait de la poésie. C'est-à-dire, il dit les choses comme elles ne sont pas. C'est ça le besoin de la poésie, c'est voir les choses comme elles ne sont pas et les dire comme elles ne sont pas. Et moi, je suis très sensible, non seulement au poème, c'est-à-dire à la poésie homologuée, officielle, comme telle, alexandrin, rimé ou pas rimé, vers libre, plaquette, poème, etc., mais à la poésie dans la vie. Moi, je vis beaucoup avec des ouvriers, des paysans, où vous sentez ce besoin de poésie constamment. Je vais vous citer deux exemples. Par exemple, dans un bistrot de Boulogne-Billancourt, si vous entrez et que vous dites bonjour messieurs, dames, vous n'êtes pas poète, enfin vous dites les choses, on vous regarde, vous n'êtes pas de la famille, etc. Il faut trouver une belle salutation, quelque chose. Vous entrez et vous dites salut les hommes, excusez-moi si je me trompe. Ça, c'était. Alors là, on se tourne vers vous, on dit tiens, allez, et puis. Ou alors, si vous pouvez vous chercher un autre salut, vous arrivez et vous dites bonjour la coterie, manquez un con, j'arrive. Voilà. Eh bien, c'est de la poésie, vous comprenez? Le type qui dit, au lieu de trembler, et qui dit, je sucre les fraises, c'est de la poésie. Quand il dit, pour un ivrogne, la démarche d'un ivrogne, il a des chaussures à bascule. C'est de la poésie. Les différentes appellations du pied, par exemple. Le pied, dans sa valeur absolue, c'est le panard. Le pied qu'on écrase, c'est le nougat. M'écrase pas les nougats. Le pied, quand vous avez quitté avec la chaussure, c'est la péniche. Vous quittez la chaussure, c'est le fumeron. Vous enlevez la chaussette, c'est encore autre chose. Tout ça, c'est de la poésie. Et les gens ont besoin de poésie. Je me souviens d'un gars de mon village qui parlait politique. C'était au moment où il y avait des menaces de guerre au Moyen-Orient. Et puis, je crois que c'était au moment où il y avait une guerre entre le Pakistan et l'Inde qui menaçait de tourner à la guerre générale. Et dans le café de mon village, il y avait une discussion politique. Des gens vraiment inquiets. Tout d'un coup, il y en a un qui s'est écrié, il s'appelle Alfred, mon ami Alfred Wüsch. Il s'est écrié « Après tout, l'homme ne doit pas oublier qu'il est un oiseau de passage sur cette terre. Il ne va pas décréter lui-même l'ouverture de la chasse. » Je trouve que c'est une façon poétique de parler politique. Tenez, oh, hier, j'y pense, hier, j'étais au hall, je mangeais des frites au hall. Et le type qui faisait les frites, au coin du boulevard Sébastopol et du plateau Beaubourg, vous voyez le coin, il faisait des frites. Et il travaille tard, là. Il dit, je suis tellement fatigué. J'ai si peu de temps pour dormir que lorsque je rentre chez moi le matin, il m'arrive de me rencontrer dans mon escalier. Mais c'est de la poésie. La peine de mort. Je suis contre. Alors là, aucune hésitation, dans tous les cas. De la vie, c'est une chose qu'on reçoit. Bon, et qu'on n'a pas le droit de reprendre. Vous comprenez? Et la mort, c'est la seule chose qui est irrémédiable. La mort, la seule chose que je peux vous prédire, hélas, sans avoir peur de me tromper, c'est que vous mourrez. Et quand vous serez mort, ça sera fini. Même si c'est une erreur, je ne pouvais pas vous rappeler. Tandis que si, à la rigueur, je suis pas non plus tellement partisan de la prison, mais comme il y a certains régimes qui peuvent pas se passer de détruire les gens qui sont pas de leur avis, qu'au moins ils se contentent de les mettre en prison, comme ça, 10 ans après ou 3 ans après, quand on s'aperçoit que c'est une erreur, on peut les sortir de prison. Tandis qu'une fois qu'on les a décapités, fusillés ou pendus, ben on peut les réhabiliter leur mémoire, mais ça leur fait une belle jambe. Et puis c'est atroce. Et de toute façon, c'était atroce. Enfin, j'ai l'impression de rabâcher. Il y a eu tellement de textes formidables, de films formidables, comme Nous sommes tous des assassins de Kayat. Il y a eu tellement d'arguments qui me paraissent irréfutables contre la peine de mort, que dire qu'on est contre, ça me paraît tellement aller de soi, qu'il y ait des gens qui puissent être encore avec les pieds dans leurs pantoufles, entourés de leurs gosses, au coin de leur feu, et dire je suis pour qu'on guillotine ou pour qu'on tue, ça me paraît impensable. Les hippies. Écoutez, moi, j'aime pas beaucoup parler de ce que je connais pas ou que je connais mal. Or, il se trouve que j'ai jamais eu l'occasion de parler, d'interroger ou de fréquenter des hippies véritables. Alors, ça m'est difficile d'en parler. C'est ce que j'ai rencontré. C'est des garçons d'excellente famille, avec des papas qui ont des comptes en banque, qui n'ont pas de soucis pour leur fin de mois, etc., qui, à l'approche des vacances, se laissent pousser les cheveux, se déchirent le blue jean, etc., et partent sur les routes avec des colliers, avec des guitares, pour que tout rentre dans l'ordre. À la rentrée, ils retrouvent leur costume, ils retrouvent leur fiancé. Ou, enfin, c'est donc des hippies stagiaires et contractuels, ça, vous voyez. Mais le véritable hippie, je ne sais pas exactement ce que c'est. Ce qui m'écarte toujours, c'est le côté mouvement de masse. C'est-à-dire le côté, tout le monde se laisse pousser les cheveux longs. Moi, je trouve merveilleux de rencontrer un gars au crâne rasé quand tous les garçons ont les cheveux longs. Ou un garçon qui a les cheveux longs quand tout le monde suit la mode de Yul Brynner. Je me dis, tiens, voilà un garçon qui a du caractère. Mais quand la mode arrive, tout le monde joue au hula hoop. Bon. Et puis c'est démodé, tout le monde collectionne des porte-clés. Et puis c'est démodé, tout le monde fait des Scooby-Doo. Et puis c'est démodé, tout le monde a des badges. Puis c'est démodé, tout le monde collectionne des posters. Et tout ça obéit comme des braves petits soldats au garde-à-vous, rallongent leurs jupes, les raccourcissent, se rallongent leurs cheveux, les raccourcissent, ont des petits seins, des gros seins. Je me demande d'ailleurs comment elles font les filles, mais elles y arrivent. Apparemment, elles y arrivent. Et tout ça... Finalement, ils sont beaucoup plus disciplinés que des militaires de carrière qui se donnent une petite fantaisie dans le képi ou dans la façon de tailler l'uniforme obligatoire. Eux, c'est volontairement avec leurs sous ou les sous de leur papa qui suivent cette mode. Ils achètent les disques qu'ont décidé de vendre les grandes firmes américaines. Ils achètent les vêtements qu'ont décidé de vendre le Trust Levi's ou je ne sais pas. Ils achètent les colliers qu'ont décidé de vendre je ne sais quel coffre-fort, etc. Et avec une discipline merveilleuse. Enfin, vous vous rendez compte, arriver alors qu'à l'armée, se faire raser les cheveux, c'est une punition. Là, au signal, on se les rase. La justice. Ça existe ? Je connais pas. L'essentiel. Ça dépend du moment. Hein. Ça dépend du moment. L'essentiel, c'est quand même la vie. Et comme dit la sagesse populaire, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Et la sagesse populaire, on la tourne en ridicule, mais finalement, ce qu'elle a dit, c'est de l'expérience. Je crois que c'est la vie. L'essentiel. Pour essayer de passer la vie le plus honnêtement et le plus nettement possible, mais il y a certaines exigences qui ont l'air de rien, mais qui sont importantes. D'abord, je crois qu'il faut s'accepter tel qu'on est. Ne pas vouloir jouer un rôle. C'est ridicule, et dans les apparences et dans le fond. Le quadragénaire grisonnant, n'est-ce pas, qui descend du trottoir avec un entrechat de gamin, n'est-ce pas, qui fait un petit bond dans sa voiture décapotable, n'est-ce pas, pour avoir l'air de ne pas avoir son âge, c'est... Bah non, on a 45 ans, on a du ventre, on est comme on est, et puis... Tenez, je m'excuse de citer Macorlan une fois encore, mais finalement, je suis bien obligé, puisque Macorlan m'a appris beaucoup de choses. Mais peut-être même l'essentiel. Et une fois, quelqu'un lui posait la question, une question qu'on lui posait souvent, il disait, mais comment vous faites pour, à 80 ans, avoir cette jeunesse, cette verdeur que vous avez connue, Pierre Lost, qui était stupéfiante, la lucidité de Macorlan et sa vivacité à 87 ans, c'était quelque chose d'étonnant. Et Pierre a répondu cette chose que je trouve formidable, il a dit, j'ai toujours vécu comme un homme de mon âge. Quand j'avais 15 ans, je vivais comme un gamin de 15 ans. Quand j'avais 20 ans, je vivais comme un homme de 20 ans. Quand j'ai eu 30 ans, j'étais un homme de 30 ans. Et quand j'avais 40 ans, j'ai vécu comme un quadragénaire. Maintenant, je suis un vieillard, je vis comme un vieillard, je m'accepte comme un vieillard. Finalement, on est ce qu'on est, il faut l'être. De même que l'intellectuel qui essaye de ne pas passer pour l'intellectuel, qui va trouver l'ouvrier en lui tapant sur l'épaule, en disant « Je suis un prolo comme toi, moi je te comprends, mais pas du tout. » Pas du tout, je vous assure, moi, je suis peut-être un des derniers types à employer le mot intellectuel dans un sens non péjoratif. Moi, je suis un intellectuel, puis je suis fier de l'être, je suis heureux de l'être. Je suis un véritable intellectuel, j'ai fait de très bonnes études, moi. J'en suis content, j'en jouis à l'heure actuelle. Je suis content de ce que j'ai appris à l'école, j'en profite. Je vis avec des ouvriers, des paysans, la première chose que je leur dis, c'est que je suis un intellectuel. Regardez mes mains. J'ai jamais gagné un sou avec ma main. Je gagne tout avec ma tête. Et ils m'acceptent parce que je n'essaye pas d'être démagogue, de les flatter. Je suis ce que je suis. Ils sont très contents de connaître l'intellectuel. Et je ne les méprise pas, ils ne me méprisent pas. Nous sommes sur un plan d'égalité. Ils respectent mon travail comme je respecte le leur. Vous comprenez ? Et c'est quand même merveilleux de gagner sa vie avec sa tête. Le péché. Moi, j'aime assez la définition de Colette. Vous la connaissez ? Non. Non ? Le péché, c'est ce que l'on fait sans plaisir. la mort. Là, alors, c'est la question. C'est le couteau dans le cœur, là, en ce moment, cette question. Pour moi, l'année 1970 a été une année épouvantable de ce point de vue-là. J'ai vu mourir des êtres qui m'étaient très chers. J'ai vu mourir mon père, j'ai vu mourir ma Corland, qui était comme un deuxième père pour moi. J'ai vu mourir mon ami Maurice Choury, Elsa Trioli, enfin des gens que j'aimais beaucoup. Et j'ai vu mourir beaucoup de choses aussi, beaucoup d'autres choses. Et c'est une... En plus de ça, je vis avec la mort constamment, puisque dans ma maison, dans les Cévennes, mon masque qui s'appelle le Gravas, il y a 30 mètres dans le champ, sous ma fenêtre, il y a le tombeau où a été enterré mon père, mon grand-père, ma grand-mère, etc., où j'ai ma place réservée. Je vis à 30 mètres de mon tombeau.